bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici Je suis venu interpréter un morceau. Mais que vous n'avez pas numéro. On va pas en faire un plat. Mais moi je veux pas la recette de la réussite. Tu m'enclais, c'est explicite. Lyriciste qui résiste. Hein. Vas-y, pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense. Sinon, je vais péter une case. Et j'ai l'impression que la réussite m'a boycotté. Que les chances me quittent quand je veux les mettre à mes côtés. Des micros pour tous, ils disent y en a pas assez. Je voulais ma place assise dans la chanson, mais on m'a chassé. Et faut être sourd pour pas entendre que je suis un combattant. Venu pour régler le compte de ceux qui veulent prolonger mon attente. J'ai pris des précautions quand fallait en prendre. Maintenant, je crie ma vérité. Pour ceux qui veulent pas l'entendre, rien de merveilleux. Faut pas abuser, le chemin est périlleux. Prends-moi au sérieux, je suis pas venu pour m'amuser. Je lâche pas l'affaire, même si ma vie est un faux bout. Lâche pas l'affaire à mi-chemin, je lève la tête et je vais au bout. Je reste debout, moi l'auteur que le manque foudroie. T'as reconnu l'odeur, car des égouts je sors tout droit. Des fois je me dis si je patientais, mais franchement impatient que ma passion me paie. Si t'aimes pas ma logique, moi jamais dans l'attendant, je suis venu limer la pointe de la technologie. Prends ma chance, prends ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Ma musique ne fait pas de dégâts, elle adoucit les mœurs, fait kiffer les meufs et les gars. Ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Eh ouais, je suis acharné. Depuis que la musique m'a charmé, je kiffe la basse, les kicks, les caisses et les charrettes. Je vends peu vieux, je fais pas le bonheur du producteur qui dirait mot clé sérieux. Y'a trop de nœuds sur ton fil conducteur. Il peut en déduire que je fais pas dans la dentelle. Que ma mission n'est pas de séduire la clientèle. J'essaie de comprendre pourquoi des jeunes hommes tombent issus d'un quartier sombre. J'éclaircis les zones d'ombre. Qui me laisse une plage, t'assure. J'assume si je crée des cassures, mais faut que j'en place une au moins. Moi c'est ma passion, MC dangereux au microphone. Pas là pour être le timide, ni faire kiffer toutes les bouffonnes. Je suis pas venu ici pour vous donner des leçons, ni rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. J'ai des principes que j'arrive pas à mettre en détention. Comme la technique a ses limites, la compréhension. Ma chance dans la chanson m'a laissé des séquelles. Je l'ai tellement provoqué que je me suis tapé avec elle. Donne-moi ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Ma musique ne fait pas de dégâts, elle adoucit les mœurs, fait kiffer les meufs et les gars. Ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Eh ouais, je suis acharné. Depuis que la musique m'a charmé, je kiffe la basse, les kicks, les caisses et les charlets. Je rappe pas parce que je m'emmerde, je me sens concerné. C'est pour ça que je m'en mêle, je fais déconcertant que Dieu me le permet. La bouche grande ouverte, je monte sur scène les yeux fermés. Je sais qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et j'espère que mon rap fait bouger les boomers et les choses. Aussi les gens, les petits et les grands, les riches et les pauvres. En passant par les gominés et les chauves. Sincère lorsque je manie les lettres, toutes mes œuvres partent de mon cœur et sortent par mes lèvres. Donne-moi ma chance, vu que ton rap est mourant. J'avais dans la tendance, y'a que le poisson mort qui suit le courant. Donne-moi ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Ma musique ne fait pas de dégâts, elle adoucit les mœurs, fait kiffer les meufs et les gars. Ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Eh ouais, je suis acharné. Depuis que la musique m'a charmé, je kiffe la basse, les kicks, les caisses et les charlets. Ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Ma musique ne fait pas de dégâts, elle adoucit les mœurs, fait kiffer les meufs et les gars. Ma chance. Vas-y pousse-toi, laisse-moi une place. J'ai besoin de dire ce que je pense, sinon je vais péter une case. Eh ouais, je suis acharné. Depuis que la musique m'a charmé, je kiffe la basse, les kicks, les caisses et les charlets.